En Corée du Sud, selon des dépêches en provenance de Séoul, l'action de la population extraordinaire pour la démission de Bakounet, constituée de plus de 1550 formations de toutes les couches, et la solidarité pour une société démocratique ont respectivement publié le 20 une déclaration et un commentaire pour condamner le résultat de l'enquête intermédiaire du parquet sur les scandales de Bakounet et de Choi Soon-sil et exiger la démission immédiate de Bakounet. Par ailleurs, le journal d'internet sud-coréen Voix du Peuple a fait part que l'Association des avocats sud-coréens a lancé le 22 un manifeste d'actualité revendiquant à Bakounet de démissionner librement avec la responsabilité sur l'offense aux affaires d'État, alors que le syndicat national des fonctionnaires a déclaré se mettre en grève pour la démission de Bakounet.